Déjà, en ce moment, je sais pas ce que les auditeurs ils ont, je sais pas si c'est les vacances ou quoi, C'est ça. mais hier, je vais te dire une chose, que j'en ai un qui m'a appelé, qui a pas été content, comme quoi que Max a arrêté à minuit et demi. Hein? Alors, Bien. maintenant, c'est à vous, les auditeurs, d'éviter de nous faire de nous appeler pour nous dire des conneries. Parce que hier, l'émission, à minuit et demi, ça s'est coupé, moi, j'étais pas content non plus. Alors, je vous préviens, vous trouvez des sujets valables, et jusqu'à une heure. Hein? Parce que vos conneries d'hier, ça suffit comme ça. Gérard.